That's the sound of the police. J'ai entendu un gros boom. Enfin, tout a pété. La police. C'est de la merde. L'armée. C'est de la merde. La justice. Messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion. C'est de la merde. La patrie. C'est de la merde. Le capital. C'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Salut à toutes et tous, vous écoutez le magazine Libertaire comme chaque mercredi de 12h05 à 13h30 en direct sur JetFM 91.2 dans l'agglo nantaise et jetfm.fr sur internet. Le magazine Libertaire, c'est une émission qui parle d'actu, qui parle de lutte, qui parle de la France et du monde qui pue et qui essaye de relayer la parole de celles et ceux qu'on entend peu ou pas habituellement dans les médias. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre blog maglib.noblogs.org et nous contacter par mail à maglib@riseup.net. Aujourd'hui, on est le 23 septembre et on est en équipe réduite. Du coup, on vous a sélectionné des sons qui viennent d'autres émissions. Le premier, c'est sur la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles à Paris. Et le second, sur les conditions dans lesquelles se passent les parloirs en prison, donc depuis le déconfinement. Et bien sûr, on terminera par les annonces. On commence donc avec la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles. Depuis le 17 juillet 2019, la majorité des femmes de chambre, des gouvernantes et des équipières de l'entreprise de sous-traitance STN sont en grève illimitée et reconductible à l'hôtel Ibis Batignolles, porte de Clichy à Paris. 14 mois de lutte pour que changent leurs conditions de travail, de rémunération, 14 mois de lutte contre la sous-traitance, contre le racisme, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. 14 mois de mépris de la part du groupe Accor, propriétaire de l'hôtel et sixième groupe hôtelier du monde. Un rassemblement avait lieu le 8 septembre devant le siège du groupe Accor à Issy-les-Moulineaux à l'appel des femmes de chambre pour les soutenir dans leur lutte contre la vague de licenciements prévue par le groupe. L'émission L'actualité des luttes y a fait un reportage qu'on va vous faire écouter tout de suite et on envoie tout notre soutien aux grévistes. On rappelle que c'est possible de les soutenir financièrement. Il y a une caisse de grève en fait, on peut la trouver en cherchant caisse de soutien aux grévistes de l'hôtel Ibis Batignolles sur internet et on mettra le lien sur notre site et aussi sur celui de Jet avec le podcast. On vous laisse donc avec le reportage de l'actualité des luttes, ça dure une demi-heure. Bonne écoute et à tout à l'heure. Je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement. Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux. On est là de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'actualité des luttes. Comme tous les jours, du lundi au vendredi. De 12h30 à 13h30. Sur FPP. Fréquence Paris Pluriel 106.3. On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute. Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule. L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes. Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action. Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population. Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là. Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère. On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur. Ça fait des allures de fête qui dégénèrent. N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info. Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel. Vous pouvez nous envoyer vos initiatives, vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse. En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes. Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas. Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info. Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement. Voilà donc ce 8 septembre 2020, on est à Issy-les-Moulineaux devant le siège d'Accor. Et bien aujourd'hui, il y a un rassemblement devant ce siège des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles qui sont en grève depuis plusieurs mois. Bonjour à tout le monde. On n'a plus de voix parce que hier, on était allé dans un hôtel à l'Opéra, hôtel Script. Mais on a bien montré au groupe Accor que nous sommes têtus comme eux. Voilà. Ils ont des oreilles bouchées. Nous aussi, on a des oreilles bouchées. Le jour où les oreilles vont s'ouvrir, nous aussi, on ouvrira nos oreilles. Donc, on a fait la fête. Ils n'étaient pas contents, comme d'habitude. Mais c'est à eux de nous trouver la solution. 14 mois de lutte, c'est pas facile. Voilà. C'est-à-dire, on sait quand on commence, on ne sait pas quand finir. Donc, le groupe Accor est très conscient du conflit qui est entre eux et nous. Le 19 mars, on avait une négociation avec le groupe Accor et malheureusement est venu le Covid-19. Donc, ils ont profité de cette situation. Ils se sont dit, peut-être qu'avec le confinement, les femmes de chambre allaient lâcher le combat. Mais aujourd'hui, nous disons au directeur du groupe Accor qu'on ne lâchera rien. Voilà. Tant qu'ils veulent pas nous donner tout ce que nous voulons, c'est-à-dire nos revendications, le groupe Accor préfère payer les avocats, les huissiers de justice, que de régler le problème qui est simplement facile, tout simplement facile. Voilà, c'est-à-dire on demande même pas plus de 500 euros, même pas 300 euros. Mais ils préfèrent que nous souffrons. Pourquoi? Parce que nous sommes des femmes noires, il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Parce que c'est nous qui travaillons. Aujourd'hui, si le directeur qui est là, qui se met en costume cravate, qui a des milliards, c'est grâce aux femmes de chambre et les gouvernantes. Pourquoi ils ouvrent les hôtels? Parce qu'il y a des femmes qui travaillent. Même s'il y a 10 clients, il y a des femmes qui travaillent. Et cet argent, ils mettent ça dans leur poche. S'ils ne respectent pas les femmes de chambre et les gouvernantes, voilà. Donc, le travail de la femme de chambre ne doit pas être invisible. Le travail de la femme de chambre doit être visible. On doit nous respecter. On doit arrêter les harcèlements moraux, les harcèlements sexuels dans les hôtels. Nous, les femmes de chambre, nous ne sommes pas des déchets du groupe Accor. Nous disons non. Donc, ce que nous demandons au directeur, simplement, c'est nos droits. Nous voulons nos droits, qu'ils arrêtent de nous emmener au tribunal, ça ne sert à rien. Ça ne va pas nous reculer, ça ne va pas nous empêcher de continuer la lutte. Ils peuvent nous emmener, s'ils veulent, au ciel. On est avec eux, nous sommes accrochés à leur cravate. Merci à tout le monde, merci d'être venu. Mais vous nous donnez le courage et nous, on vous dit aujourd'hui, toutes les femmes qui sont là, nous n'allons rien lâcher. C'est-à-dire, nous tenons et nous allons tenir jusqu'à ce que le groupe Accord nous règle nos revendications. Merci. Femme de ménage et technicien de surface se lève à 5 heures pour aller faire le ménage. Mais voit que certains ne les considèrent même pas. Pourtant, ce sont eux qui nettoient tous les bureaux, les gares, les hôtels, hôpitaux et les centres commerciaux. Frottez, faut bien payer. Bonjour à toutes et à tous. On remercie tous les camarades qui sont venus à son rassemblement, les soutiens, la Fédération CGT du Commerce, l'Union départementale des syndicats CGT des Hauts-de-Seine et tous les camarades des sections syndicales, des associations, des partis politiques qui nous soutiennent depuis le début de ce conflit. Le 25 mars 2020, 8 jours après le début du confinement, Sébastien Bazin, le PDG d'Accord, avait posté ce message aux salariés de son groupe « Je vous aime plus que jamais ». Le 4 août, ses preuves d'amour n'ont pas tardé à se voir puisqu'il a annoncé un plan de réduction des coûts avec à la clé la suppression de 1000 postes dans les activités de gestion hôtelière. Le groupe Accord, selon lui, doit devenir plus simple, plus léger, plus agile. On a l'impression de voir un lièvre ou une gazelle. Et encore plus proche du terrain, a expliqué Monsieur Bazin. Monsieur Bazin également nous a fait un petit peu de cinéma puisqu'il avait annoncé au début du confinement dans la presse réduire sa rémunération de 25% pendant la durée de la crise pour abonder un fonds destiné aux salariés les plus démunis. Mais ce qu'il n'a pas annoncé à la presse, c'est qu'il a perçu une rémunération variable de 1,12 million d'euros. Et qu'en ajoutant sa prime exceptionnelle et ses actions gratuites, on parvient à un total annuel de 4,41 millions d'euros. Également, le conseil d'administration du groupe Accord a renforcé les avantages de son PDG et elle a entériné une disposition lui permettant de relever de 200 à 250% son salaire fixe, le montant d'actions de performance qui lui seront attribués, soit une petite augmentation discrète de 475 000 euros. Par ailleurs, s'il est viré, M. Bazin aura droit à une indemnité équivalente à 2 années de rémunération, sans compter sa retraite chapeau, qui représentera 35% de la moyenne des 3 rémunérations annuelles les plus élevées. Retraite chapeau, c'est celle qui est en plus de la sécu, des retraites complémentaires. Je crois qu'on va présenter ça à Macron dans les négociations sur la réforme des retraites, puisqu'il n'y a pas de raison que les PDG touchent des retraites chapeau d'un tel niveau et que les salariés tout en bas de l'échelle payent encore, se serrent la ceinture et voient leur pouvoir d'achat diminuer. Donc l'esprit de solidarité également n'a pas épargné donc les administrateurs d'Accord qui ont sacrifié, paraît-il, 20% de leur montant de jeu, de leur jeton de présence. Et au titre de l'année 2019, M. Sarkozy va toucher 85 599 euros. Pour faire quoi, ça on ne le sait pas. Certainement uniquement ouvrir son carnet d'adresses. On l'a vu récemment avec le partenariat entre le groupe Accord et je ne sais plus quel fonds Qatari pour créer des hôtels, effectivement, dans les Émirats. Donc voilà un petit peu cette indécence totale du PDG M. Stéphane Bazin, à qui nous avons écrit tout simplement pour être reçus aujourd'hui, pour être reçus et peut-être essayer de régler la situation de femmes de chambre qui touchent entre 600 euros et 1200 euros par mois. Donc aujourd'hui, vous le savez, on en est au 14e mois de conflit à l'Ibis-Batignolles et je peux vous dire que on a pu, juste avant le chômage partiel, faire entrer les camarades, les 20 camarades qui sont toujours en lutte dans le dispositif du chômage partiel et qu'aujourd'hui, on a une caisse de grève qui permet d'assurer, après le confinement, 3 mois de conflit. Ça continue à rentrer au niveau de la caisse de grève. Donc les femmes de chambre ne sont pas prêtes de lâcher tant que le groupe Accord et la société STN ne se seront pas assises autour de la table de négociation pour trouver effectivement et donner des réponses à leurs légitimes revendications. Parce qu'au 21e siècle, on ne peut pas accepter cet esclavage moderne qu'est la sous-traitance hôtelière, avec, vous le savez, vous qui suivez le conflit depuis des mois, des cadences absolument infernales, des heures de travail non payées, un statut social bien inférieur aux salariés, aux salariés qui travaillent effectivement en interne au sein de l'Ibis Batignolles. Voilà. Donc c'est aujourd'hui la raison pour laquelle nous sommes rassemblés, que nous continuons à agir. Hier soir, nous avons envahi l'hôtel Scribe, qui est un hôtel prestigieux du groupe Accor. Nous préparons de nouvelles actions d'envahissement dans des hôtels Accor. C'est pas demain que le groupe Accor se débarrassera des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles et des camarades qui sont en lutte au sein du groupe Accor pour effectivement combattre les suppressions d'emplois et améliorer le pouvoir d'achat de tous les salariés. Merci. Alors, avant de passer la parole à Anne, secrétaire générale de l'Union des syndicats CGT des Hauts-de-Seine, je voulais vous annoncer officiellement que notre syndicat et les femmes de chambre vont déposer une plainte au pénal contre le groupe Accor et la société STN pour discrimination raciale à l'embauche. Parce que dans cet hôtel, comme nous vous le disions, en 2017, il y a une femme de chambre qui a été violée par le directeur de l'hôtel, une femme de chambre de la sous-traitance. Il y a eu plusieurs interventions de l'inspection du travail qu'on doit rencontrer la semaine prochaine, qui démontrent effectivement que ces salariés sont traités comme des moins que rien, et comme l'a dit très justement Rachel, c'est parce qu'effectivement elles sont femmes et qu'elles sont noires. C'est pour ça qu'on leur réserve ce traitement. Donc une plainte au pénal va être déposée très prochainement, et on verra bien si le groupe Accor continuera à faire la sourde oreille. Merci, je passe la parole à Anne. Bien avant le Covid, ça n'allait pas hein, dans les hôtels Accor. C'est pour les salariés bien souvent des bas salaires, de la précarité, des cadences infernales. Ça date pas d'aujourd'hui, alors que Claude l'a dit, il y a des milliards et des milliards de bénéfices. Des aides aussi de l'État, hein, parce que ce sont quand même des grands groupes qui touchent le CICE, les exonérations de cotisations. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est l'injustice la plus flagrante. Je voulais aussi parler des luttes dans le département, hein, puisque ce matin nous étions avec les salariés de TUI. Hein, c'est un plan de licenciement, parce qu'il faut quand même qu'on utilise les mots justes. Hein, c'est pas des plans de sauvegarde de l'emploi, ils sauvegardent rien du tout. Ils foutent les gens à la rue. Hein, ils suppriment de l'emploi, ils sauvegardent le profit par contre. Donc il y a 800 suppressions d'emplois à TUI. Ici c'est 1000 suppressions d'emplois. Vous voyez la tour gigantesque hein, qui a dû coûter une somme faramineuse, une somme folle. On a aussi les Suez ce matin. Il y aura les Thalès. Donc notre département il est très touché par ces plans de suppression d'emplois avec un patronat, on l'a dit, qui utilise, qui instrumentalise la pandémie, la crise du Covid, hein, qui met en œuvre une véritable stratégie du choc et ça on ne l'accepte pas. Il faut vraiment qu'on combatte ce qui est en train de se passer parce que c'est inacceptable. Depuis des années, les salariés ont subi et là en plus ils en rajoutent des couches. Hein, c'est à nouveau casse du droit du travail, les suppressions de services publics qui continuent. Ils veulent même, ça ils en parlent dans les échos, en finir avec le salariat. Ça veut dire quoi? Tous auto-entrepreneurs, plus de congés payés, plus d'assurance chômage, plus de sécurité sociale. Et c'est pour ça que j'appelle tout le monde à être présent aussi le 17. J'espère qu'on sera très nombreux, que toutes les organisations syndicales nous rejoindront, parce que vraiment on a besoin de construire un autre monde. On veut un jour d'après et c'est vraiment, on a besoin de tous ensemble. Merci Anne. Je passe la parole maintenant à Amar Laga, le secrétaire général de la Fédération CGT du Commerce, qu'on remercie d'avoir appelé au rassemblement d'aujourd'hui. Amar. Merci, juste deux mots parce qu'il fait chaud. Déjà, moi, la camarade disait merci d'être venu. Moi, je lui dis merci pour votre combat. Parce que de voir des femmes qui se battent depuis plus d'un an, moi, je lui dis respect et bravo, mesdames. Vous nous donnez encore l'espoir de combattre parce que vous êtes un exemple. Je pense qu'une lutte 14 mois, c'est hyper dur. On peut les applaudir. Aujourd'hui, on le voit, on est face à un groupe, le groupe Accor, qui est face à un mépris de classe. Provenant, le syndicat fait une demande de rencontre. Tout à fait. Ils ont même pas l'obligeance ou la nécessité de nous dire que c'est accepté ou pas. Voilà, on est face à un mépris de classe. Le groupe Accor fait partie des grandes entreprises de ce pays qui ont bénéficié d'aides de l'État. Ce groupe Accor fait partie des grands groupes de ce pays qui s'est enrichi sur le dos des travailleurs, surtout sur les plus précaires. Le groupe Accor a décidé de plusieurs plans sociaux, soi-disant à cause de la crise. Mais ce qu'oublie de dire le groupe Accor, l'année dernière, il dégageait des bénéfices. Oui, il y a une période compliquée. Cette période, on peut tous se mettre d'accord qu'elle est de passage. Mais le groupe Accor, non. Et les vautours et les charognards actionnaires ce groupe ont décidé d'avoir plus d'argent et de licencier. Effectivement, pour l'instant, on a appris qu'il y aura 1000 salariés licenciés, mais on sait qu'il y a le deuxième, le groupe Accor, et sans dehors plusieurs filiales. On sait qu'il y a la filiale des hôtels, il y aura énormément de salariés qui vont être concernés, il y aura un nouveau plan dans les jours, et c'est pour ça que nous, on met tout ça. Et un seul responsable aujourd'hui, c'est le gouvernement Macron. Si ces groupes aujourd'hui licencient autant dans ce pays, c'est à cause d'Emmanuel Macron et les réformes. On paye aujourd'hui les réformes de la casse du code du travail. On paye aujourd'hui tous les gouvernements qui sont passés, ils ont détruit notre code du travail. Le combat des femmes de chambre, il est simple, les camarades. Hein. Elles n'existent qu'à un seul donneur d'ordre, mais pas 14 000 employeurs. Et le groupe Accor se fait de l'argent sur les plus précaires, en faisant de la sous-traitance. C'est pour ça qu'on les soutient, on va les accompagner. Et notre fédération appellera à soutenir encore tous les mouvements du syndicat HPE. On sera à côté, mais au-delà d'HPE, il y a toute l'hôtellerie. Bravo et vive la lutte. Merci Amar. Je passe la parole à Étienne, donc de la CNTSO, avec qui nous avons mené plusieurs luttes dans les hôtels et qui aujourd'hui, effectivement, soutient le mouvement. Merci Claude. Bravo à vous. À vous tous, les femmes de chambre. La CNTSO, j'ai peut-être tiré le masque, ça sera mieux. La CNTSO était effectivement partie prenante de toutes les luttes dans l'hôtellerie et surtout dans la sous-traitance de hôtelière. Cet été encore, nous avons, contre votre employeur STN, mené un combat à Marseille où on a plié la direction en quelques heures, mais ils avaient tellement peur que ça s'incruste comme ça s'est incrusté à Batignolles, qu'ils ont préféré céder. Pour vous dire, hier, à ma permanence juridique, j'ai reçu un camarade de l'hôtel Meurice, un petit hôtel s'il en est, qui vient me voir, et il est licencié. Au bout de 5 mois de CDI, et 6 ans d'extra. Et on lui dit, votre période d'essai, qui a été suspendue pendant la période de confinement, n'est pas concluante. Pendant des années, 6 ans, il a travaillé quasiment tous les mois. Et ils avaient besoin d'une période de 7-4 mois pour se rendre compte qu'il n'était pas compétent. J'ai envie de dire, les incompétents ne sont pas du bon côté, là. Pareil, j'ai appris la semaine dernière qu'à l'hôtel Hayat, Roissy Charles de Gaulle, alors que l'Hayat touche des indemnités pour le chômage partiel, les salariés de la société Azurial n'ont plus le droit à rien. Et la direction d'Azurial envisage un plan de licenciement de plusieurs dizaines de salariés de la sous-traitance. Je vous ferai un inventaire à la Prévert des pratiques des entreprises de sous-traitance et de nettoyage, mais ça devient insupportable et il faut effectivement, comme le disait Anne tout à l'heure, de l'UDCGT, du 92, qu'on unifie nos forces pour mettre un terme à ces pratiques qui fait que le capitalisme, en cascade, s'en fout plein les fouilles. J'ai envie de dire, au début de la crise, ils nous ont dit, il faut que les salariés comprennent, il faut qu'on soit tous solidaires, les patrons, les salariés, ça vous rappelle pas quelque chose? Et aujourd'hui, les premiers qui sont victimes de leurs pratiques, de leurs magouilles, ce sont les salariés. Eux, pour l'instant, c'est toujours pareil. Plein les fouilles, rien, tout pour eux, rien pour les travailleurs. Il faut qu'on change ce modèle, il faut qu'on change le jour d'après, c'est pas celui de Macron, le jour d'après qu'on veut, il ne ressemble pas à celui que Macron nous prépare. Il faut donc qu'on continue à se battre. Le 17, pour nos droits sociaux, le 17 septembre, le 17 octobre, pour la régularisation de tous les travailleurs sans papier, de tous les travailleuses sans papier. Il faut qu'on unifie sur tous les fronts nos forces au-delà de nos différences syndicales. Je vous remercie. Monsieur Bazin, il va prochainement répondre de ses actes illicites devant le tribunal correctionnel de Paris. Peut-être que là, il daignera effectivement discuter avec les grévistes et ses organisations syndicales. Donc spécialement pour lui, on avait préparé une, une petite chanson qui est un petit peu une redite de ce qu'on peut entendre dans les manifs des Gilets jaunes, mais on n'a pas pu résister. Donc voilà, on y va. Sébastien Bazin, aux têtes de crétins, on vient te chercher chez toi. Sébastien Bazin, tête de crétin, on vient te chercher chez toi. Sébastien Bazin, tête de crétin, on vient te chercher chez toi. Sébastien Bazin, tête de crétin, on vient te chercher chez toi. Sébastien Bazin, tête de crétin, on vient te chercher chez toi. Sébastien Bazin, tête de crétin, on vient te chercher chez toi. Voilà les camarades. Je passe la parole à une camarade de Femmes Égalité. Oui, Femmes Égalité. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, notre salut et tout notre soutien pour votre lutte de plus de 14 mois. 14 mois le 17 septembre. 14 mois le 17 septembre. Bel anniversaire pour la manifestation, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, travailleuses précaires et mal payées, mal considérées, elles sont des centaines dans ce pays. Des centaines de milliers dans le nettoyage, dans le commerce, dans le service aux personnes. Indispensables, mais invisibles. Compétentes, mais mal payées. Et pourtant, la crise sanitaire les a rendues visibles, ces femmes. Toutes ces premières de corvée, les caissières dans la grande distribution, les aides à domicile, les femmes de ménage et les femmes de chambre qui, pour certaines, ont continué à travailler dans des hôtels qui accueillaient les malades. Alors oui, la majorité des hôtels n'ont pas tourné pendant le confinement. Oui, il y a un manque à gagner de quelques mois pour leurs patrons. Mais on connaît aussi les bénéfices faramineux que fait l'hôtellerie de luxe qu'elle a engrangé depuis des années. Les hôtels économiques ont rouvert, ils retrouvent leur activité. Tous ces grands groupes ont largement les moyens d'éponger quelques mois de déficit, alors même qu'ils continuent à toucher les aides de l'État. Pendant que le gouvernement et le patronat veulent renvoyer à l'invisibilité toutes ces femmes des métiers féminisés en première ligne pendant la crise sanitaire, c'est encore aux femmes de ces métiers, aux femmes de chambre, aux gouvernantes, celles qui sont le cœur du métier, sans qui l'hôtellerie n'existerait pas. C'est à elles qu'on veut faire payer la facture. Tandis que les unes doivent travailler quoi qu'il en coûte. Et quand on dit quoi qu'il en coûte, c'est en termes de santé, c'est en termes de maladie, c'est en termes de sécurité. Les autres sont licenciés et envoyés grossir les rangs des chômeurs. Alors non, mille fois non au licenciement. Et oui, plus que jamais, votre revendication d'intégration au personnel de l'hôtel est légitime pour des conditions de travail et de salaire décentes, pour le respect, pour la dignité. Nous savons que les batailles importantes nous attendent face au plan de licenciement massif dans tous les secteurs, dans de nombreux secteurs. Et les femmes sont aussi en première ligne à ce niveau-là. Donc soyons nombreuses et nombreux le 17 décembre. Septembre, pardon. Et le 17 octobre aussi, et peut-être le 17 décembre. Hein. Et bien encore après. En tout cas, il faut être nombreux et nombreux tous ensemble. Et on y sera. Merci. Merci. Bravo. Merci. L'arrivée des camarades du collectif des Monoprix en lutte. Ce qui est intéressant avec ce collectif, c'est qu'on arrive à créer de plus en plus des actions de convergence. Samedi dernier, on était avec eux donc lors de l'envahissement d'un Monoprix à Convention. Aujourd'hui, ils viennent en soutien donc de votre lutte, mesdames. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera, effectivement, à créer des solidarités dans le monde du travail, de façon à faire plier ce patronat arrogant, que ce soit la direction du groupe Accor ou la direction de Monoprix. Merci d'être là, les camarades, et je vous passe la parole. Bonjour à tous. Donc nous sommes le collectif Monoprix. Je remercie toutes les sections syndicales. Donc, si on veut arriver à un résultat, c'est la solution, c'est la convergence des luttes, c'est l'intersyndicale. Donc, nous sommes là, nous sommes très conscients de la situation de vous, mesdames. La crise du Covid a mis la lumière, mais bizarrement, assez furtivement, sur ce qu'on appelle les invisibles, ceux qui sont indispensables pour le fonctionnement de ce beau pays. Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Donc aussi bien les femmes de chambre, nous, les salariés de la grande distribution, nos amis derrière de la sécurité et d'autres secteurs que j'ai peut-être oubliés, tout ce qui est chaîne de distribution dans les entrepôts et autres. Donc nous avons le même combat, nous menons le même combat. Nous avons que le même chemin se répète, des grands groupes qui se font des milliards sur le dos de personnes vulnérables et qui en veulent encore plus. Et à un moment donné, il faut que ça cesse. Merci madame. Sachez qu'on peut nous prendre tout, sauf la dignité. Notre dignité, personne ne nous la prendra. Et on est tous là pour crier notre colère. Et on veut du respect et de la considération. C'est grâce à vous, mesdames, qu'on rentre dans des hôtels, des beaux hôtels de luxe comme ça. Mais on vous voit pas. On veut pas vous voir, mais vous êtes là. Vous êtes indispensables. Donc on est là. On a les mêmes combats. Les noms des sociétés changent. Mais c'est le même combat. Soyons tous unis. Soyons tous unis. Et merci, merci, merci beaucoup. Vous nous donnez beaucoup de courage. Notre cher président Naouri du groupe Casino. Donc après le Covid, après la première insulte, où ils ont zappé la prime des 1000 euros pour les courageux. On a commencé à nous parler du jour d'après. Le jour d'après, on a commencé à voir un petit peu à quoi ça doit ressembler. Quelques jours seulement après le déconfinement, les ouvertures des magasins de commerce en autonome jusqu'à 23h30. C'est ça le monde de demain. Les ouvertures en autonome, réduction d'effectifs, pas de remplacement. Donc ces gens qui ont travaillé pendant 2 mois en risquant leur vie et celle de leur famille, pour qui on applaudissait en fait il y a quelques mois, maintenant on les méprise encore plus. Donc après, c'est cette histoire des primes de 1000 euros que je vous signale, les gens allaient travailler, non pas pour cette prime parce qu'on était d'utilité publique à ce moment-là. Imaginez juste le pays si les commerces avaient fermé. On avait tous le droit d'exercer un droit de retrait ou de faire une grève. On ne l'a pas fait. À ce moment-là, on a mis tous nos différends de côté parce qu'on était d'utilité publique. Donc deuxième insulte, quelques semaines après nous dire que le groupe est en difficulté, notre cher président s'octroie une prime de 655 000 euros et une augmentation de salaire de 170%. Donc quel message on nous envoie avec ces informations-là? Ils sont en train d'inaugurer, ils sont en train de mettre en place un nouveau système qui s'appelle, malheureusement c'est une insulte pour le personnage, Socrate, qui est de la polyvalence à outrance. C'est travailler beaucoup plus pour beaucoup moins. Pour éviter d'embaucher et pour réduire encore plus la masse salariale et rendre l'emploi encore plus précaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Le magasin Montparnasse s'est fait une beauté à coût de millions d'euros avec un nouveau concept magnifique qui s'appelle FMR, avec la mise en place de ce nouveau dispositif Socrate. Et donc demain, nos chers présidents seront là pour sabrer le champagne et nous vous invitons tous à cette fête-là pour que le champagne ait un goût amer. Merci à vous tous. Un peu de musique. Sans eux, on vivrait dans la saleté. La saleté, saleté. Eh oui, une triste réalité. Ils ont sauté la veille des infectés. Plus grave, ils se sont battus contre le Covid-19. Ils sont épuisés, vraiment fatigués. Dans l'hôtellerie, des cadences trop élevées. On leur demande plus de chambres qu'elles ne peuvent faire, sans même payer les heures supplémentaires. À femme de chambre, un métier très dur et physique, hein? De certains patrons, tu n'es pas salarié du lieu où tu travailles. On te fait savoir par des menaces, harcèlement, voire même agression. On subit parce qu'on n'a pas de droit ici en France. Faut bien payer. Notre travail qui font fortune. femme de ménage et technicien de surface se lève à 5h pour aller faire le ménage. Mais vois que certains ne les considèrent même pas. Pourtant ce sont eux qui nettoient tous les bureaux, les gares, les hôtels, hôpitaux et les centres commerciaux. Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info. Vous êtes de retour sur le magazine Libertaire, sur Jet FM, on est ensemble jusqu'à 13h30. Et dans la dernière émission de l'année dernière, on vous parlait de l'épidémie de Covid-19 en prison et de ses conséquences pour les prisonniers et prisonnières. Parmi les galères, les parloirs, qui sont aujourd'hui toujours confinés. On vous propose donc d'écouter un extrait de l'émission de L'Envolée, qui fait un point sur le sujet. Ça dure à peu près 18 minutes et on se retrouve tout de suite après. Dans une putain de cellule au premier étage, je te réunis en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionce dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tôle. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Et les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité Paris 19e et pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10. Il y a un numéro de portable que je me rappelle. C'est le 07 52 40 22 48. Ouais, donc on est disponible aussi sur Snap, envolée.idf, WhatsApp, etc. Et Signal. Et on va passer à un texte que L'Envolée a écrit et a bûché pour pouvoir... Oui, qui est disponible sur le site de L'Envolée. Ouais. Mais on se disait que c'était important pour celles et ceux qui nous écoutaient et qui n'avaient pas accès à Internet, de quand même prendre le temps de le lire. C'est pour faire un peu un point sur la situation des parloirs et voilà, enfin voir un peu comment ça continue, comment la PL continue à profiter du confinement et de l'après-confinement pour niquer les droits des gens qui y vont, quoi. Et pour empêcher les prisonniers et leurs proches de se voir. Ou de retirer des parloirs, ou de... Voilà, tout est écrit, tout est dit. Le 17 mars 2020, pour cause d'épidémie, la ministre des prisons suspendait les parloirs dans les prisons de France. Initialement pour 15 jours. 6 mois plus tard, malgré les mobilisations dedans comme dehors, les prisonniers, prisonnières et leurs proches sont loin d'avoir retrouvé les conditions d'avant. Sous prétexte de sécurité sanitaire, ils et elles subissent des mesures punitives, arbitraires et infantilisantes. Petit tour d'horizon non exhaustif de prise de parole et de mobilisation. Après 2 mois de suspension totale, les parloirs ont rouvert après le déconfinement entre guillemets général du 11 mai, mais à quelles conditions ? Sous prétexte de limiter l'entrée du virus en prison, les enfermés et leurs visiteurs n'ont en septembre 2020 toujours pas le droit au contact physique. Et la surveillance est souvent pointilleuse et intrusive. Toucher ses enfants, parents, amoureux, etc., c'est prendre le risque de sortir en quatorzaine, c'est-à-dire en isolement total, et de se faire suspendre son permis visite. Double punition. Les prisonniers et les visiteurs sont très souvent séparés par des plexiglas afin d'éviter tout contact. Nombreux témoignages racontent à quel point ces vitres, infâmes, empêchent aussi de s'entendre, de se comprendre, obligés à crier, créant un climat de stress lors de ce moment si précieux. Suite aux nombreuses protestations, parfois même devant la justice, les vitres ont progressivement été remplacées, rapetissées, aménagées. Mais elles existent toujours. Et l'interdiction des contacts aussi. En plus, le port du masque, strictement interdit en détention, est pourtant souvent obligatoire au parloir, même avec une vitre de séparation. On suffoque, on se comprend encore moins, on se voit mal. Mais baisser le masque peut être un prétexte à une suspension de permis de visite, au bon vouloir des matons, comme d'hab. Dans un texte du 22 juin, mais toujours d'actualité, des proches dénonçaient « Un enfant doit retourner à l'école, mais n'a pas pu embrasser son parent depuis 3 mois. Il doit se contenter de le regarder derrière une vitre, comme aux zoo. C'est leur habitude de nous traiter comme des moins que rien, et on sait bien que ce qui les préoccupe, ce n'est pas la santé des détenus. » Dans certaines prisons, les prisonniers doivent même signer une charte d'engagement pour aller au parloir. Promettre qu'ils vont respecter les gestes barrières et surtout ne pas toucher leurs proches, sous peine de sanctions graves pour éviter les contaminations. Car la situation est l'affaire de tous. Sans blague, oblige-t-on les parents d'élèves, profs, policiers, surveillants, clients de supermarchés, etc. à signer ce genre de documents ? Cerise sur le gâteau. Les bornes pour prendre les rendez-vous parloir sont mises hors service. Elles transmettraient le virus ? Pourtant, docteur, on dirait que celles de McDo et du géant casino ne transmettent pas. Donc la seule solution est de téléphoner pour réserver les parloirs. Dans de nombreuses prisons, le service est saturé, chaque prise de rendez-vous devient un exploit qui peut vous prendre des heures. Pour toutes ces raisons, beaucoup ont renoncé aux parloirs, ne peuvent plus maintenir leurs liens affectifs, ce qui les maintient souvent debout en prison. De nombreux récits rappellent que ces mesures ne sont réservées qu'aux prisonniers et leurs proches. Les surveillants entrent et sortent de prison et touchent leurs proches. Puis ils palpent et fouillent les prisonniers sans appliquer toujours les fameux gestes barrières. Beaucoup rapportent que des surveillants ne portent pas de masque ni de gants, etc. En juillet sur France Bleu. Imaginez-vous si depuis 4 mois on vous disait que vous n'avez pas le droit de toucher les gens et que vous aimez. Mais par contre, les autres qui bossent avec vous, ils peuvent vous toucher, eux, ils ont le droit. Dans le gymnase de la prison de la santé, les surveillants se sont même offerts un petit gala de boxe avec le compagnon policier le 1er septembre. Alors que pour une caresse au parloir, tu prends 14 jours d'isolement et un droit de visite suspendu. Ouais, il y a de quoi suffoquer. Bien sûr, ces mesures sont hypocrites. Les prisonniers n'ont toujours pas le droit de porter de masque en détention. L'hygiène minimale y est souvent inaccessible. L'unique traitement en cas de symptômes, de risque ou de doute, c'est la mise en quatorzaine, c'est-à-dire la mise à l'isolement dans des conditions souvent très dures. Il y a une lettre de Carla à ce propos. Là où des cas de Covid sont repérés, c'est parfois toute une prison qui est confinée en cellule, comme début août à la prison de Nancy, 120 prisonniers à l'isolement. En plus, donc d'après l'interview d'un prisonnier sorti de la maison d'arrêt de la Talaudière, les détenus qui ont une permission doivent être isolés à leur retour pendant 14 jours, ce qui peut décourager certains. Pourquoi le contact avec le monde extérieur requiert un isolement de 14 jours pour un détenu, alors que le personnel de la maison d'arrêt va et vient tous les jours ? Donc, pour éviter cette quatorzaine, des prisonniers renoncent aux permissions de sortie. Mais le juge n'accordera pas d'aménagement de peine à celui ou celle qui n'aura pas eu de permission de sortie. Donc, toute perspective de respirer est repoussée. À l'extérieur, divers messages et pétitions ont circulé sur les réseaux sociaux. Je passe. Dans les prisons pour étrangers, centre de rétention administrative, c'est la même merde. Les frontières sont fermées, il n'y a presque pas d'expulsion, mais l'État continue d'enfermer les personnes sans papier. La moindre suspicion de Covid est prétexte à la fermeture des bâtiments, et surtout des parloirs, alors même que c'est le seul espace où on peut obtenir des cigarettes et de la nourriture mangeable. Alors les prisonniers des CRAS aussi se mobilisent, à Marseille, Lyon, Toulouse, Nîmes. En Belgique, c'est la même merde. Après la publication d'un article signé par des divers collectifs et associations, une cinquantaine de proches de détenus ont manifesté samedi 29 août devant la prison de Saint-Gilles pour demander à pouvoir à nouveau avoir des contacts physiques avec les membres de leur famille ou de leurs amis. Nous le disions déjà en juin, en prison, quand nous perdons un espace de liberté, il est perdu pour longtemps. La seule solution pour éviter la propagation de l'épidémie en prison serait de faire sortir massivement les prisonniers et les prisonnières, pour de vrai. Dedans comme dehors, espérons que l'organisation collective des protestations permettra de déconfiner un peu. N'hésitez pas en tout cas à nous faire partager récits, protestations, initiatives et échanger avec nous. Ouais, déjà que le parloir est un motif de... Comment dire, ils te font du chantage toute l'année sur ça, mais alors là, pour eux, c'est l'embellie du siècle. Hein. La preuve qu'ils nous font du chantage, puisque quand ils bloquent les prisons, ils bloquent les parloirs. Donc forcément, donc là, c'est open bar pour eux. Voilà. Et ils continuent à sanctionner les gens, à retirer des parloirs parce qu'ils se parlent sans masque ou ils le retirent vite fait alors que eux se permettent de pas l'avoir ce masque-là, comme dans certaines tôles, donc je peux pas donner le nom puisque c'est la même tôle où la personne s'est fait frapper. Non, mais c'est dans toutes les tôles. Dans ouais. toutes les tôles, les matons, ils portent. Enfin, il y a un tiers des matons qui portent pas leur masque. Mais ça, en fait, ils rentrent pas chez eux, ces gens-là. Ils ont pas de famille. Ils font la bise à personne. Ils font pas de. Ils font pas de combat de boxe avec des keufs. Non, c'est ça. Ils font rien. Touchent pas le matériel des prisonniers qui eux pas d'activité en détention à cause du Covid. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, ça devait être une belle partie de foot de connard, franchement. Et juste pour rajouter deux trucs, parce qu'il y a deux choses dont on n'a pas... sur les vitres, ça a vraiment été un truc d'enfoiré qu'a fait l'administration pénitentiaire, parce qu'en fait, il y a eu des décisions de justice qui ont été faites. Pour se conformer à la décision de justice, mais dans la pratique, absolument rien changé, ils rabotaient 10 cm à la vitre et puis ils la laissaient, en fait. Ils disaient, bah non, mais vous avez vu, on a enlevé une partie de la vitre, mais vous comprenez, les mesures sanitaires font, voilà. Et donc, tu te retrouves à devoir faire 4-5 attaques au tribunal administratif et à chaque fois ça prend du temps ils savent très bien ce qu'ils font en fait, c'est ils jouent avec la justice, ces délais et tout ça pour pouvoir continuer à faire leur merde. Et l'autre truc qu'on a d'ailleurs pas... je vous encourage à suivre Maître Benoît David qui se bat beaucoup sur ça et donc pour une fois qu'il y en a un qui s'efforce de combattre, c'est cool. Et l'autre truc dont on parle pas dans ce texte, c'est les UVF où c'est quand même une histoire de gueudin, les UVF, parce que si tu vas en UVF, donc tu vas passer de 6 heures à 72 heures. Voilà. Et c'est sûr que derrière, tu fais une quarantaine. Et donc tu passes 14 jours à l'isolement et les UVF, faut rappeler que c'est pas gratos, c'est-à-dire qu'en fait toute la bouffe que tu vas avoir pour pouvoir bouffer avec tes enfants, tes amis et autres, tu le payes et donc en fait t'as besoin de travailler pour ça, mais donc si t'es en quarantaine juste derrière, tu peux plus travailler et donc en fait ça entraîne un truc où t'as plus accès à l'UVF du tout et donc les gens ils se privent, comme on le raconte dans ce texte par rapport au parloir. Et ça aussi c'est un énorme foutage de gueule. Ça faisait partie des deux trucs qui me semblait important de rajouter là-dessus quoi. Ouais, et pour faire une toute petite mise à jour aussi, il y a quand même dans certaines prisons les bornes qui ont rouvertes. Je crois qu'elles sont juste pas accessibles pour les gens qui n'ont pas de parloir, mais que du coup c'est ça l'engrenage en tout cas à Fresnes. Tous les gens que je connais, que j'ai rencontrés qui allaient, ils disaient que le plexi c'était parti, mais qu'ils avaient laissé quand même un bout de bois pour faire une séparation, quoi. Et que, du coup, c'est ce qui rend totalement débile encore plus leur truc de on n'a pas le droit de se toucher, etc. Quoi. Enfin, en fait, non, c'est ce qui rend surtout très hystérique parce que c'était une loi qui a été pendant des années, beaucoup de gens se sont battus pour faire enlever ces petits murets qui séparaient les prisonniers entre eux. Notamment à Fresnes d'ailleurs, où c'était salement posé, c'était un espèce de mur en bloc dégueulasse. L'administration pénitentiaire prenait un malin plaisir à prendre des amendes parce qu'ils étaient condamnés par la Cour européenne, c'est ça. Mmh. Et donc, voilà. Et en fait, ouais, ça revient, ces petits murets reviennent gentiment et légalement, alors qu'il y a. Et tout ça. Alors, c'est que des. Ouais, excuse-moi, je parle beaucoup. Non, c'est pas... Et tout ça, c'est que des choses qui sont en train de. D'engendrer sur le moral des familles, des prisonniers. Et petit à petit, on a commencé par retirer les activités, à retirer, à poser ce petit muret. Et voilà, j'ai peur que ça aille sur la longicitude, comme on dit. Le très long terme. Voilà, bravo. Ouais, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit dans le texte, c'est qu'en fait, tout ce que l'administration pénitentiaire est en train de rodcam maintenant, il y a moyen que ça dure et qu'il va falloir que se battent dehors en tant que proche dedans aussi pour que ça bouge. Et le truc par rapport au parloir un peu IGFN comme ça, c'est qu'en fait, il y a 6 mois, c'était un truc qui était réservé pour les personnes qui s'étaient fait péter où il y avait des sanctions, ce genre de truc, ce qui était déjà un problème de ouf, hein, on est d'accord, mais là, ça a été généralisé à tout le monde, quoi. Tout le monde est puni. Exactement. Et en fait, ils se servent beaucoup de ça. J'ai le cas cette semaine aussi, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que j'ai quelqu'un qui a eu un parloir IGFN cette semaine. Alors qu'il n'y a plus, c'est par flex, c'est par glace, j'ai pas ces trucs-là. Sans aucune raison, sans aucun motif. Donc, on expliquait justement que s'il n'y a pas eu de problème dans le parloir, il n'y a pas lieu d'avoir cette mesure disciplinaire. Voilà. Et donc là, ils se servent de ça. Et c'est ce que m'expliquait Benoît Davis, c'est pour ça que je pense à lui. Ils se servent des mesures sanitaires pour pouvoir le poser à qui. Enfin, un petit bonheur, la chance, quoi. Et juste pour rappeler, la personne à Fresnes, qui était le directeur à l'époque et qui a vachement bataillé pour garder ses murets, c'était Scotto, ouais. Qui est actuellement directeur de tout le Rhône-Alpes, directeur de l'administration pénitentiaire pour tout le Rhône-Alpes, fait des mesures absolument, enfin voilà, qui participent à fond à séparer les gens et tout ça, tout en disant mais tout va bien, c'est cool. Il y a eu des cas dans mes souvenirs à Bourg-en-Bresse, et voilà, ils disaient non mais c'est bon, il n'y a pas de souci, voilà, et donc ils participent à fond à ça, et en fait ils reproduisent les trucs qu'ils avaient produits et qui ont été des luttes il y a une dizaine d'années, voilà, et donc en fait il faut aussi se rendre compte que ces directeurs, ils ont l'habitude de ces luttes là, parce qu'en fait ils ont battu contre les prisonniers pour que les gens y conservent. Enfin, pour que l'administration pénitentiaire elle conserve ses murets à Fresnes, et maintenant c'est des gars qui se retrouvent au niveau de toute la région, qui gèrent tout le truc, et donc ils ont cette expérience là, et donc ils savent comment retarder les procédures et tout ça. Donc, on sait que lui il est assez pointilleux sur les attaques qu'on peut lui faire et tout ça, donc on va pas être méchant. Mais on pense. Avec lui, avec Scotto aussi, il faut être très très méchant. Il faut être très avec... très méchant, mais on va pas l'insulter parce qu'on n'a pas envie. Non, on va pas dire de gros mots, mais on peut rappeler les faits qui lui ont été reprochés, notamment d'avoir couvert des surveillants qui ont tabassé un prisonnier dans une autre prison, d'avoir soutenu des surveillants qui touchaient des prisonnières à Fresnes, par exemple aussi. On peut que lui en vouloir à cet homme. Voilà, mais on peut que rappeler ces trucs, et on sait qu'il est pointilleux, donc voilà. Mais on en pense absolument pas. Oui. Depuis 2001, L'Envolée, c'est une émission et un journal pour en finir avec toutes les prisons, fait par d'anciens prisonniers et prisonnières et des proches pour relayer la parole des enfermés. L'abonnement au journal est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières qui en font la demande. L'émission de radio est diffusée le vendredi soir de 19h à 20h30 sur FPP 106.3 en région parisienne ou sur rfpp.net et disponible ensuite sur toutes les plateformes de podcast. Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Libertaire sur Jet FM. On vient donc d'écouter L'Envolée. Et juste avant de faire une pause musicale, je voulais en profiter qu'on parle de tôle pour saluer les émissions de radio anticarcérales, dont L'Envolée à Paris, La Petite Cuillère du côté de Lyon, Yo-Yo à Toulouse, Parloir Libre à Marseille et bien sûr Casse-Muraille à Nantes, que vous pouvez écouter tous les dimanches midi sur Jet FM. Bravo et merci pour le taf que vous avez fait pendant le confinement et pour le taf que vous faites en général pour faire circuler les paroles, les petits mots, les infos, les analyses, les idées, entre l'intérieur et l'extérieur. Ce taf de lien, il est important, de fait, pour briser l'isolement, pour ne pas laisser sous silence ce que font les institutions policières, judiciaires et pénitentiaires. Et puis, vos émissions, elles font exister des paroles anti-tôle sur les ondes, des paroles qui contribuent à penser le monde sans enfermement, ce qui est plus que nécessaire dans ce contexte sécuritaire de plus en plus tendu. Du coup, ça m'a donné envie de passer un petit son que vous connaissez peut-être déjà. Ça s'appelle « Résister dedans, résister dehors ». Je crois que ça vient de l'envoler, mais je suis pas tout à fait sûre. Et juste après, on écoutera Sarah Ebé avec « Fuck the power ». Résister dedans, ce n'est pas regarder l'hématome pour ne voir que l'uniforme et pas la personne. Résister dehors, c'est favoriser les parloirs sauvages, à la radio et dans la rue. Résister dedans, c'est refuser les fouilles, nombreuses et inutiles. Résister dehors, c'est refuser le parloir s'il y a une fouille. Résister dedans, c'est refuser les médicaments. Résister dehors, ça arrive au parloir le plus chargé possible. Résister dedans, c'est manger, boire et baiser au parloir. Résister dehors, c'est manger, boire et baiser au parloir. Résister dedans, c'est prendre soin de soi, ne leur laisser ni le corps ni la tête. Résister dehors, c'est organiser les déplacements pour les parloirs. Résister dedans, c'est refuser la télé. Résister dehors, c'est fournir intellectuellement les prisonniers. Résister dedans, c'est lutter pour avoir un lieu collectif. Résister dehors, c'est organiser des caisses de solidarité. Résister dedans, c'est à s'amuser. Résister dehors, c'est faire péter des feux d'artifice pour éclairer leur nuit. Résister dedans, c'est rester humain, toucher et être touché. Résister dehors, c'est prendre le temps de toucher l'autre en dehors des relations sexuelles. Résister dedans, c'est développer la solidarité et la gestion collective. Résister dehors, c'est trouver une voie pour faire sortir les infos en continu et les faire circuler. Résister dedans, c'est ne rien lâcher, même les tout petits. Résister dehors, c'est faire des parloirs avec les inconnus, surtout les femmes qui n'en ont pas. Résister dedans, c'est augmenter la charge de travail des matons le plus possible. Ouvre, je fume, ferme. Allez, ouvre, je pisse, ferme. Rouvre, je fume, allez, referme maintenant. Résister dehors, c'est harceler l'administration pénitentiaire. Résister dedans, c'est faire le plus de parloirs possible et savoir en jouir. Résister dehors, c'est faire le plus de parloirs possible et savoir en jouir. Résister dedans, c'est ne pas avoir peur d'aller dedans. Résister dehors, c'est de ne pas avoir peur d'aller dedans. Résister dedans, c'est refuser tous les interdits. Résister dehors, c'est être visible dans nos luttes anticarcérales afin que cesse l'impunité qui règne en cage. Résister dehors, c'est être visible dans nos luttes anticarcérales afin que cesse l'impunité qui règne en cage. Estaban justo a punto de perder cuando se levantaron a quitarnos el poder. El poder. Estábamos a punto de poder, nos vallaron las alas y perdimos el poder. El poder. Hay muchos intereses que perder, muchos viejos de mierda desde siempre en el poder. El poder. Se ve que tienen miedo de perder, se ve que tienen miedo, mucho miedo de perder. Ahora que la llama se prendió, se ilumina la historia y ya sabemos qué pasó. El viejo tirano regresó con un peinado nuevo y el discurso en un papel. Esto es una serie de terror, máquinas de guerra en contra de nuestro amor. Temen tanto perder el poder, porque saben quién manda dentro en el pabellón. Vous êtes toujours dans le magazine Libertaire sur Jet FM. J'espère que la musique vous a plu. Et c'est maintenant l'heure des annonces. Alors la première annonce, c'est aujourd'hui à Nantes. Il y a deux rendez-vous avec le collectif Stop Carnet. Stop Carnet, c'est un collectif qui lutte contre la bétonisation d'une zone naturelle protégée du côté du Carnet, au sud de l'estuaire de la Loire. Il y a une occupation qui a commencé là-bas fin août, et donc il y a une invitation à rejoindre cette occupation. Le premier rendez-vous avec le collectif a lieu à la fac. Ça a commencé ce midi, mais je pense que c'est toujours temps de les rejoindre. Et c'est dans l'amphi A du campus Tertre. Et si vous avez raté ce rendez-vous, c'est possible aussi de les rencontrer ce soir à partir de 20h à la Maison du Peuple. C'est rue Louis Préaubert à Nantes. C'est toujours aujourd'hui, mais à Clisson cette fois, il y a une rencontre avec Paul Rocher et Antonin Bernardos autour des bouquins « Gazé, mutilé, soumettre » et du bouquin « Police ». C'est à la librairie Café Les Villes Invisibles, c'est à Clisson, donc 1 rue des Basses-Halles, et c'est à partir de 19h ce soir. Demain, mercredi 24 septembre, à 9h, il y a un appel à soutenir Awa Gay, la sœur de Babacar Gay, qui est mort après s'être fait tirer dessus par la BAC à Rennes dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015. Le collectif Justice et Vérité pour Babacar appelle à soutenir Awa et le combat mené par le collectif pour la vérité et la justice. C'est donc demain, c'est à partir de 9h, pardon, rue Guy Ropartz à Rennes. Vendredi 25 septembre, à 19h à La Dérive à Nantes, il y a une cantine de soutien à la marche des sans-papiers. Cette marche, elle a débuté le 19 septembre à Marseille. Et la cantine, elle est organisée par le Gazprom et elle vise à soutenir un départ pour la marche depuis Nantes le 3 octobre, avec une arrivée prévue pour la grande manif du 17 octobre à Paris. Cette soirée de soutien à la marche des sans-papiers, c'est donc vendredi à 19h à La Dérive, 1 rue du Guérobert à Nantes. Une autre soirée de soutien à Saint-Nazaire, cette fois, c'est vendredi. C'est une soirée de soutien à SOS Méditerranée, qui est une asso qui porte secours aux personnes qui tentent de traverser la Méditerranée. C'est organisé par les Amis de Mai, et c'est donc vendredi 25, à partir de 19h, dans le local autogéré situé 25 boulevard de la Renaissance à Saint-Nazaire. Mardi 29 septembre à Nantes, il y a un arpentage autour du livre « La domination policière » de Mathieu Rigouste. Ça se passe devant le foyer des étudiants et étudiantes, dans le hall sensif du campus Tertre. Donc c'est un arpentage autour du livre « La domination policière » de Mathieu Rigouste. Et c'est à partir de 19h le 29 septembre. 18h, pardon. Je m'en mêle les pinceaux. Donc 18h le 29 septembre, arpentage sur la domination policière. En dernière annonce, le mercredi 30 septembre à Nantes, c'est la permanence de rentrée de la bibliothèque féministe Les Dévoreuses. C'est le moment de rapporter les bouquins que tu avais empruntés l'année dernière, d'emprunter de nouveaux bouquins ou encore de choper des nouvelles brochures. Cette permanence de rentrée des Dévoreuses, c'est le mercredi 30 septembre à partir de 18h30. C'est à Pollen, 11 rue des Olivettes à Nantes. Et c'est terminé pour les annonces, donc c'est la fin de cette émission. On va se retrouver mercredi prochain à partir de 12h05, toujours sur Jet FM. En attendant, vous pouvez aller réécouter tous nos podcasts sur notre blog maglib.noblogs.org. Et si vous souhaitez nous contacter, c'est sur l'adresse mail maglib@riseup.org. Moi, je vous dis bonne semaine. Je vous laisse en musique avec Anna Thirou et une chanson qui s'appelle Paquet. Et ça sera suivi de Annie Westendorp qui chante Ne pas s'arrêter. À la semaine prochaine et portez-vous bien. Ser buena persona, Sona. Ministro, perdone la palabra, pero incomoda. Cambia de actitud, como Talibú. De todo el planeta somos el mejor sistema de salud. Que este virus muta, si Dios quiere se permuta. Que a los molnis se inmuta, pero en las calles se multa. Si vende hasta la fruta, que soplan a la Cuba. Cuidado con la que viene la yuta. Yu, yu, yu. que si me agitan, incitan la violencia, roban y después critican. Desde los New Yorkers hasta mi gente de Chile, que se cuide el gobierno antes que los aniquiles. Somos miles, ya cansados del maltrato, de sus mentiras y atracos, de los puercos y de los pacos, saquen cucharas y platos, ya pónganse los zapatos, que hasta el más hipocondríaco está listo para luchar hace rato. Pa' la calle, saben cómo me pongo, me conocen en el fondo. Yo no sigo protocolo, pa' que invitan al bailongo. Pa' qué me invitan. Si saben lo que yo opino, lo que opino, yo lo rimo, pa' que se me invitó. Te llevan preso si salta y un torniquete. En mi país te llevan preso si pides pan del banquete. En mi país te dicen loco si sales a protestar. Y en mi país disparan los ojos por salir a marchar. Y te zumban caliente como fuego artificial, lanzándote el guanaco, justificando solo matar. Luma solo un mazo paco, dirigen unos payasos. No quieren cacerolas, son migajas de bonos y pedazos. Tu otra rechazo, seguimos sin el mazo. Contigo no hay caso, tú avalas los balazos. Hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. No abren los comedores, no fijan contenedores, se tiran de proveedores. Ah. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya vas. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Vamos. Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos.